Les circonstances de la mort de cet homme n'ont pas été élucidées. Certains de sa famille regrettent que la police de Mugamba ait précipitamment libéré 5 personnes, parmi lesquelles Désimone Lakouré, arrêté pour être interrogé sur le Soka, avant que la vérité n'éclate au grand jour. Au niveau du commissariat de police à Bururi, l'on reconnaît cette libération précipitée pour éviter, dit-on, que la tension qui était déjà perceptible au sein de la population de cette localité ne dégénère. Mais cela ne signifie pas que le dossier a été classé sans suite, explique le commissaire provincial de police à Bururi, Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et un autre corps a été retrouvé ce mardi soir à la 2e avenue de la colline Ruhagarika de la commune Buganda en province de Chivitoke. Le corps était dans des champs de haricots selon les autorités administratives et policières. Niwazayan Demye Oscar est originaire de la commune Rugazi en province de Bubanza. Ses autorités communales à Buganda l'ont qualifié de bandit et indiquent que les enquêtes ont déjà commencé. Et encore sans vie d'un pêcheur qui avait été tué par un hippopotame ce lundi sur la colline Mwangé de la commune et province Rumongue a été retrouvé ce mercredi matin flottant sur les eaux du lac Tanganyika. Le commissaire provincial de Rumongue conseille aux habitants de cette localité de ne plus approcher cette zone abritant des hippopotames. Un autre homme avait été récemment tué par un hippopotame dans cette même localité. Agriculture maintenant, avec ce lancement ce mardi de l'année agricole. Ça s'est passé dans la province de Ruyigi. Le premier vice-président de la République a appelé la population à cultiver très tôt, puisqu'il s'est avéré que l'aléa climatique appelé par les experts ces derniers temps, El Nino, n'aura pas lieu. Gaston Sindimo promet que le gouvernement continuera à développer ce secteur générateur de devises. C'était aussi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Suivez le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Il est traduit en français par Alain Désiré Bukayenet. Le changement climatique est l'un des défis du secteur agro-pastoral. Le secteur constitue la première source de revenus de plus de 90% de la population. C'est aussi le secteur générateur d'une grande partie de devises nécessaires pour la mise en œuvre des programmes de développement. C'est pour cette raison que le gouvernement du Burundi développera ce secteur pour que la population ait accès à l'alimentation équilibrée et lutte contre la pauvreté. Nous voulons remercier le Tout-Puissant qui nous a épargné contre l'aléa climatique qui avait été appelé par les experts El Nino, soi-disant que la pluie tardera pendant la saison culturelle. Ah, vous avez vu que nous avons eu les précipitations dans les délais. Si le climat continue ainsi, la récolte sera bonne. Nous avons lancé l'année agricole. Nous interpellons ceux qui ont tardé à cultiver de le faire dans les délais. Gaston Sindimo, premier vice-président de la République. Et selon le représentant de la FAO Burundi, personne ne devrait rester indifférent au changement climatique. Le mieux est d'adapter l'agriculture à ce changement. Et parmi les propositions de Mohamed Hama Garba, représentant la FAO, il propose la bonne gestion de l'eau et de la production agricole. La question que nous sommes en droit de nous poser, comment adapter l'agriculture aux effets du changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Entre autres éléments de réponse, gérer les ressources naturelles dans une optique durable en réduisant les pertes et les gaspillages alimentaires et éviter la déforestation et la surpêche. Améliorer la gestion de la fertilité du sol, le renforcement de la gestion de l'eau et la résilience aux aléas climatiques, améliorer la gestion intégrée et l'aménagement des patrimoines fonciers visant la protection et le rendement des terres, promouvoir et renforcer l'encadrement des agriculteurs et éleveurs, prévenir et préparer aux chocs liés au changement climatique, créer une pêche et une aquaculture résiliente face au climat. Maintenant que 177 nations ont signé l'accord de Paris sur le climat, 2016 est l'année de l'action climatique. L'échéance mondiale du défi fin zéro est fixée à 2030. Celle-ci ne peut être atteinte sans affronter les changements climatiques.